Radio Metanoia en direct, on est le 7 décembre 2022. Tous les métanoïaques sont réunis ici à Metanoia. Ok. On y va. Radio Metanoia. Vas-y, tu peux commencer à présenter. Pour tous nos métanoïaques. On est à 2 minutes. Ça va, il est bon le café? 2 minutes. Et le temps, il est froid un peu. Hein. Je vous le dis, hein, c'est ça, c'est pas un vent d'hiver, hein. Un vent de France. Hein. Il vient d'ailleurs, ce vent. Jimmy, on n'entend pas. La date, c'est quoi la date, Jason? C'est quand je vends de l'amour que ma vie est rentable. Vas-y, laisse une chanson comme ça. Je cours car je sais que le temps n'attend pas. C'est quand je vends de l'amour que ma vie est rentable. Devenir un grand homme sera ma plus grande arme. Si t'es moi du Gandhi, si demain je rends l'âme. Le mal se répand comme une infection. Il est hors de question que la vie m'impressionne. Et j'ai cette impression que l'or devient précieux. Bien plus précieux que la vie d'un homme en insurrection. J'ai des valeurs qui ne changent pas malgré les saisons. Ma manière de m'indigner, c'est faire vibrer les caissons. Et si soudain demain la haine devient démodée, l'hymne du monde serait du pop Marley moderne. Sillonner le monde avec un message de paix, à vous de faire passer le mot, effacer la plaie de nos peines. Il est 17h, vas-y Jérémy. 17h, Metanoia. Sur Pinot. Sur les ondes. Ils sont où nos métanoïaques? Ouais, vas-y, prends la micro, Johan. Ici aujourd'hui, il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde sur la table ronde. Sur la table ronde, c'est pas Kaamelott, non? C'est pas le roi Arthur. Mais je vous assure qu'il y a pas mal de chevaliers. Voilà. On est là, on fait place, voilà, Metanoia, Radio Metanoia. Tous les métanoïaques présents. Tous les métanoïaques présents et aussi ceux qui écoutent, hein. Ceux qui écoutent, parce qu'on peut rien faire sans vous aussi. Ouais. Ça arrive en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui arrivent. Ouais, on a plein de tous les côtés. Bienvenue les métanoïaques. C'est animé. Allez. Il y a une énergie folle. Rentrez. Come on, yes. Tous, métanoïaques, aujourd'hui. En force. Malheureusement, les jeunes demoiselles nous quittent. Elles nous quittent, il y a trop de monde. C'est les aléas de la radio. Ben oui, ils vont revenir, c'est pas là. C'est pas grave. Jason, toujours au platine. Ouais, Jason est au platine. Jason. Attendez. On est 1, 2, 3, 4. Il manque un micro. Là, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Tout le monde est posé. Hein. Posé au calme. On n'est pas sur la radio. Télé. Sur Metanoia. On n'est pas sur OKLM, on est sur Metanoia, donc nous on n'est pas au calme en vrai. Nous on n'est pas au calme, hein. Nous on fait du bruit. A tout prix, petit Dieu. Hein? Je vais vous parler chronique du Qatar. Vas-y. C'est vrai qu'on a un envoyé spécial à Qatar. Ouais, là. J'ai un envoyé spécial au Qatar. Tu peux nous dire qu'est-ce que le Maroc a gagné contre l'Espagne au tir au but, 3-0. Ouais, tu étais là et comment tu as senti ça depuis la tribune? C'est incroyable que l'Espagne ait perdu. Ils sont forts au tir au but normalement, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, tu crois? Ils dominaient, ils auraient dû gagner. Il n'y aurait pas eu de prolongation pour la fatigue. Mais tu as fait des entretiens? Tu as parlé avec quelqu'un? Je parlais avec Ferran Torres. Avec qui? Ferran Torres. Ferran Torres, c'est l'espagnol? Hein? C'est l'espagnol, lui? Ouais, espagnol. Ah, c'est un joueur de l'Espagne. Ah oui, superbe. Et qu'est-ce qu'il disait? Il était triste? Ah là là, il était déçu de la défaite. Ah ouais? Incroyable. Il pensait quoi? Il disait, ouais. Non, on aurait dû gagner, on était les meilleurs sur le terrain. Ouais. Et voilà. Ah oui, Bon, et tu, j'ai entendu parler que tu as parlé à Cristiano Ronaldo aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a la raconté? La victoire, dommage pour son but hors-jeu, il était super, mais dommage, il était hors-jeu. Ah oui, il était hors-jeu. 6-1, incroyable. Quel score. Un score incroyable. Dernier but de Rafael Leao. Ah oui, vas-y, racontez-nous tout ça. Le joueur oui de la attends, il est de la Juventus. C'est la Juventus qui joue. Ah oui, d'accord. Quelle autre chose tu peux nous raconter? Non, le joueur de Milan AC, je voulais dire. Et quelle autre chose tu peux nous dire, parce que je sais que tu es le Qatari envoyé. C'est quoi ton plan pour demain? C'est quoi les prochains matchs? C'est quoi vendredi, Argentine-Pays-Bas sur TF1 oh, à 20h. Ouais. Ouais. Ça va être chaud, ça. Samedi, France-Angleterre. Ouais. Ils vont mettre le match Portugal-Maroc sur TF1. Ok, d'accord. À 16h. Ah, il y a Brésil-Croatie, mais ce ne sera pas sur TF1, ce sera sur YouTube. Immigré parisien. Ah oui. Jason, c'est quoi tes pronostics? Bon, l'Argentine va gagner, je sais pas, 4-0 ou 3-0 contre le Pays-Bas. Ah oui. Oh, des pronostics assez intéressants. T'es sûr de toi, quitte à. Ouais, tu pourrais faire un pari match. Hein. Je vois Messi marquer et des joueurs de l'Argentine marqués. Ah, donc tu vois bien. Parce qu'en gros, c'est cette Coupe du Monde, c'est le choc des titans. Hein. Entre Argentine, Pays-Bas, l'Argentine est favori. Ouais, mais plus encore pour deux joueurs. Il s'agit de la Coupe de deux joueurs. Hein. C'est la Coupe pour soit pour Messi ou soit pour Cristiano Ronaldo aussi. Hein. Parce qu'il leur manque que ça. C'est pour deux Mbappé joueurs. Ouais, mais Mbappé, il est jeune, il a du temps. Ouais, il a du temps. Mais ils veulent la troisième étoile, ils vont l'avoir. Tandis que Cristiano Ronaldo et Messi, ils ont tout fait sauf une chose. C'est leur dernière Coupe du Monde. Voilà, leur dernière, ils n'ont pas encore de Coupe du Monde gagnée. Ouais. Donc ce sera intéressant une finale, si c'est possible, genre Argentine-Portugal. Argentine-Portugal. Il faut penser à la France qui a son match contre l'Angleterre. Voilà. Bien sûr, il faut rester français vu qu'on est en France et soutenir la France. Mais. Voilà, il y a certains joueurs qu'on apprécie quand même. J'aimerais bien la France en finale, mais je ne sais pas contre qui. Ah, la France en finale. Intéressant aussi. On attend de voir. On attend de voir, en fait. Ce sera une belle demi-finale, en tout cas. Ouais, en tout si cas, le Brésil passe, c'est ça. Oui. Ce sera peut-être un France-Brésil. C'est ça. Dans tous les cas, ce sera une belle finale sur tous les ondiers qu'il y avait. France-Portugal en demi-finale. C'est ça, sur tous les ondiers qu'il y avait à propos de cette coupe et du Qatar. Je vois bien à Brésil Argentine en demi-finale. Ouais, ça aussi c'est faisable, hein. Neymar il est chaud. C'est aussi faisable. Bon, c'est cool. Alors, c'est quoi qui continue le merci, le Qatari, notre envoyé spécial Jason. Mais avant que tu partes, tu veux dire quelque chose? Prends le micro. J'ai parlé à Lionel Messi. J'ai parlé à Léo Messi. On est là tous les mercredis à 15h. Entre 15h et 18h, il peut venir à la radio quand vous voulez. Entre 15h et 18h. On est là tous les mercredis entre 15 et 18. Voilà. 15h. C'est bon. Voyez, bon, viens-nous. Alors, j'ai parlé à Léo Messi. Sur sa victoire contre la Pologne. Ouais. Tu peux nous dire un peu plus? C'était une belle huitième de finale. Argentine, c'était Argentine-Australie. Ok. Alors, c'est quoi les programmes après? Je sais que Julien, il va nous parler de quelque chose, mais tu l'as noté, Julien? Tu veux nous parler? Julien, à toi. Vas-y, Julien. Non, après, Julien. Il va nous dire quand il est prêt. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt encore. Après. Donc, on va passer à... Je pense qu'on peut donner la parole à Pat, qui va nous faire sa chronique la chronique des échecs. Ouais, bah, je vais vous parler de la chronique des échecs. Écoutez, je vais vous parler d'un joueur qui s'appelle Maxime Vaché-Lagrave, qui était champion du monde en 2022. Champion du monde de partie ultra rapide, de blitz. Donc, son palmarès, je vais vous le dire, son palmarès. Donc, j'ai son palmarès, je vais vous dire ça. palmarès. Voilà, donc il devient donc saison palmarès, c'est un palmarès impressionnant. Donc en 2005, il devient grand maître international à 14 ans, l'un des plus jeunes de l'histoire du GIEC. En 2007, 2011 et 2012, il devient champion de France. En 2009, il devient champion du monde junior. En 2017, il parvient à dépasser le seuil symbolique des 2800 points au classement ELO que seuls les plus grands atteignent et il se hisse à la 10e place du classement mondial. 2021, il est champion du monde de blitz et il est actuellement quatrième. C'est un champion alors. C'est un champion, c'est le deuxième numéro 2 français. Il a été numéro 1 français pendant un bout de temps. Mais il y a un jeune d'origine iranienne qui s'appelle Alireza Firouzja qui l'a battu, qui est numéro 1. Qui Massimo Salagrav était devenu numéro 2. Il a eu bien le trophée. Massimo Salagrav au bout de à 31 ans devient champion du monde de blitz. Il est actuellement classé 4e mondial dans cette discipline. Il a gagné beaucoup de fois alors. Non, c'est-à-dire c'est un champion d'échecs. C'est un champion d'échecs, il a été champion du monde junior, champion de France, mais ouais. il a eu des titres, mais seul titre qu'il manque, c'est le titre de champion du monde de partie classique qu'il manque. Et son prochain défi, ce sera quoi ? Son défi, c'est de gagner, être champion du monde. Champion du monde champion du monde, vraiment, vraiment champion du monde. Parce que là, il est champion du monde de blitz, de partie éclair. Blitz, d'échecs, c'est quoi ? 5 minutes. C'est quoi blitz ? Blitz, c'est les parties de 5 minutes. Hein ? 3 minutes ou 5 minutes. Ah ouais. Et donc, lui, il est champion du monde. Et là, 2023, il va faire quoi ? 2023, il sera pas champion du monde en 2023 parce qu'il a la loupe. Il a pas réussi à se qualifier pour les candidats. Donc il est forfait. Donc il est éliminé. Il est forfait. Il a loupé de peu. Il a loupé de peu pour le tournoi des candidats. Et il va se qualifier pour le championnat d'Europe. Donc maintenant il va continuer sur sa lancée. Mais il a 31 ans maintenant et comme Mikkel Kersen, le champion du monde. Il est bientôt à la retraite. Non, il n'est pas encore à la retraite. Il a pas encore pris sa retraite. Mais il y a des joueurs, beaucoup de joueurs qu'on ne voit plus sur le circuit, comme Axel Morozevic ou Victor Bologan, qu'on ne voit plus sur le circuit. Il y a beaucoup de joueurs qui ont disparu du circuit, qui étaient très connus à l'époque dans Morozevic, comme le football, le joueur de foot. Morozevic, non, c'est pas comme. Non, c'est pas Modric. Ils sont de la même famille. Modric, non, c'est Morozevic. Morozevic. Morozevic. Morozevic, il a disparu. Bologan est disparu. Il y a beaucoup de joueurs qui ont disparu du circuit. Qu'on ne voit plus dans ce circuit. Par contre, il y a Levon Aronian qui est encore là, l'Arménien. Il y a beaucoup de joueurs qui ont disparu, qui étaient très connus à l'époque. Il y a 5-10 ans, qui ont disparu. Ah. Voilà, Maxime Vachier-Lagrave. Roi des échecs. Roi des échecs. Champion du monde de blitz. Qui est-il ? Comment est-il devenu champion du monde ? Il est champion du monde de blitz en battant un joueur... Le meilleur joueur polonais. Donc le meilleur joueur polonais c'était Andrzej Duda. C'était le 30 décembre dernier en 2021 à Varsovie. Le titre du champion du monde de blitz face au Polonais Andrzej Duda. C'était la finale du champion du monde de blitz. Et Maciej Wawrzyniak a réussi à décrocher le titre de champion du monde de blitz. Mais il n'est pas champion du monde. Pas champion du monde, vraiment champion du monde de blitz classique. Parce qu'il a été un grand champion. Mais il a 31 ans. Il n'a pas le niveau, un grand niveau. Mais il a toujours pas décroché le titre du champion du monde. Et le titre champion du monde, c'est Magnus Carlsen qui l'a, le Norvégien. Ok. Par contre, ce que je peux vous faire, c'est vous commenter une partie d'un joueur qui s'appelle Yuri Averbakh. Je vais vous commenter la partie entière. Donc, c'était à Moscou en URSS en 1959. C'est un Gambidam. En URSS, c'est un Gambidam. C'est Averbakh, Yuri Averbakh. Savarov, Isaac. Donc, la partie, c'était ça. Donc, C4, E6, D4, D5, KF3, KF6, KF6, C3, KVB, B1, D7, C prend D5, E prend D5, fou en F4. Everback souhaite jouer agressivement avec le grand roc et pousser ses pions à l'aile roi. Le fou est donc mieux en F4 quand G6, quand G5. Donc C6, 6, C6, 7, dame, C2, C2, fou E7, E3, 8, E3, petit roc, petit attendant. Quel est son prochain défi? Prochain, Averbach, il est très vieux, maintenant il est à la retraite. Il ne joue plus du tout en tournoi, mais c'est une partie qui joue. Qui est son successeur? Il a beaucoup, c'est un joueur qui est d'origine, je vais vous dire ça, de RSS. Il a été champion du monde, champion du RSS de moins de 16 ans. Donc il a eu beaucoup de parties gagnées, de tournois gagnés. Il a gagné Moscou en 1962, Bucarest en 1971, Polaniska, Zdrov et Mani en 1979. Dans les années 50, ses performances se placent parmi les 10 meilleurs joueurs de la planète. Entre 1973 et 1978, il a été président de la Fédération tchèque de RSS. Il fut auteur et arbitre, notamment lors du championnat du monde de 1993 entre Gagasparov et Nigel Short. Yo Everbach ne quitte jamais sa canne. Ne vous y trompez pas. Le plus vieux grand maître du monde est toujours plein d'énergie et d'optimisme. L'année dernière, il a été contaminé par le Covid. Il a vu qu'il va parfaitement bien, désormais, et qu'il analyse régulièrement des finales afin de rester en forme. Voilà. Voilà. Alors, voilà. J'ai pas essayé assez de temps. Merci, Jérémy. Ok, bonne chronique. Merci. Les échecs. Merci. Apparemment, vous êtes vraiment un amateur, comme on puisse le dire, d'échecs. Amateur d'échecs. Je suis pas grand. Je suis un joueur expérimenté. J'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des beaux et des bas. J'ai eu une période pendant que je ne suis pas venu au club de Rosny-sous-Bois pendant un an ou deux ans. Donc j'ai perdu beaucoup de parties et ça m'a déçu. Donc j'ai perdu beaucoup de parties. Et là, je fais une pause de plusieurs jours parce que j'ai perdu beaucoup de parties. Et donc je me repose, je vous commande les parties, je vous parle des parties, mais je ne joue pas contre les joueurs parce que c'est attentif, les échecs c'est attentif, et il faut être très très attentif au coup que le joueur va jouer, et si on fait la moindre faute d'intention, on peut perdre la partie sur un coup. Et il faut être très attentif, et si il suffit d'un moment d'intention pour faire un mauvais coup et un mauvais coup pour entraîner la chute de la partie, fin de la partie, la partie perdue pour une pièce perdue. On peut être complexé et déçu, et on a un complexe. On continue la partie, mais on sait que ça va être perdu, mais on continue la partie. On peut très bien gagner la partie, mais on est complexé, pour une pièce perdue, on commence à perdre des pièces, on commence à être en infériorité numérique. On a des pions de moins sur l'aile roi ou l'aile dame. On peut pas, à cause d'un pion ou à cause d'une pièce, vous perdez pas des pièces. Et c'est l'échec, c'est très complexe. C'est pas comme les dames, les échecs, parce que les dames c'est plus facile que les échecs, parce que j'ai joué dames pendant un bout de temps. Les dames, c'est juste sauter par les postes de pions, alors que les échecs, il y a plusieurs pièces à manipuler, alors que les dames c'est sauter par les postes de pions. Voilà. Donc, mais à force de pratique, peut-être que plus tard dans l'avenir, vous serez champion et joueur professionnel d'échecs. Qui sait en fait. Non, parce que je serai pas le nouveau, j'ai pas le C'est là que je ne serai pas le niveau de. J'ai pas le niveau d'un joueur de. Je suis un joueur expérimenté qui connaît. Expérimenté. Les ouvertures, les ouvertures. Un joueur inexpérimenté. Expérimenté. Mais je ne suis pas un joueur. Expérimenté. Je suis confirmé. Inné ou expérimenté. On pourrait dire que je suis oui, pas. Oui, oui, oui. Donc, sur ce mot, qu'on va se dire que l'échec est votre passion. Voilà. Ainsi, nous passerons au prochain Jason. Ouais. Ouais. Au prochain, dans le programme que tu as au cahier, que je n'ai pas devant les yeux. La liberté d'expression de Maglan Case. La liberté d'expression. Super. Ça commence maintenant. Il est parti. Un, deux, un, deux. Oui, là, ça récupère. Un, deux, un, deux. Là, on peut dire qu'il y a des petites voix, des fois, que c'est Julien qui fait le bruitage, qui fait le son de... C'est un autre type de voix que, dans son temps, vous allez entendre. Et c'est quand Julien prend le micro et, voilà, il faut prêter l'oreille. Mais on va passer à l'autre partie du programme. Jason, c'est quoi la prochaine... C'est quoi la prochaine partie du programme? Bah... Parce que je suis mal, j'ai toujours senti ça m'énerve. Voilà pourquoi je suis mal, le temps se gratte, c'est pour ça la prod. Et je suis mal. Une petite pomme de mon jardin. Et après, c'est le paradis terrestre chez moi. Par une caresse. Merci beaucoup, monsieur Léon. Sorti, merci. Petite pomme de mon jardin. Voici, c'était Julien qui parlait. J'arrive à comprendre un petit peu, pas totalement, mais moi j'aime bien Julien parce qu'il a une voix. Je vais te passer l'auriculaire tout à l'heure. Vas-y. Donc on continue le programme de ce soir. Tu veux mettre un peu de musique? Vas-y, Jason. Super, un petit musique de transition. Apparemment, superbe voix que vous avez entendue en expression verbale. C'est donc maintenant un peu de musique et des paroles. Hein. N'hésitez pas à prendre le micro ici, c'est Radio Metanoia toujours. Le ciel est sombre et nuit, il fait froid. Mais nous on est au chaud et une petite pensée à tous ceux qui n'ont pas la chance d'être au chaud aussi. Donc voilà, on est là, ça mange des pommes. Donc Radio Metanoia. N'hésitez pas aussi bien. Auditeurs et auditrices qui sont aussi avec nous, de prendre le micro si vous voulez, accompagné de musique par nos DJ Jason. Ainsi, j'accueille un métanoïaque qui va prendre le micro et commencer à nous dire des choses, je sais pas. Oui, c'est moi, c'est Jad, oui, c'est pour la radio de... Métanoïac. La radio Métanoïac. Ah bah ça va, j'espère que la radio Métanoïac, c'est une bonne radio, ça a l'air d'être bien. Et en tout cas, merci à vous d'être là dans l'EHPAD. Ça nous aide beaucoup, ça nous soulage. Et c'est bien, et il faut que ça continue comme ça. La nostalgie. Merci. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Jadj. Jadj. Bienvenue à la radio. Hein. C'est nous, on est ensemble qu'on fait la radio. Il y a une place pour vous ici, quand vous voulez. On est là tous les mercredis, entre 15 et 18. Et à 17h, c'est le live. Là, on est en direct sur l'onde des Épinodes, aux FM, DAB, FM à Paris et Mulhouse, et aussi sur Internet. D'accord. Okay. Est-ce que vous voulez passer un message à l'humanité qu'en ce moment, on ne va pas très bien? Est-ce que vous pouvez envoyer un message universel? Pour l'humanité, je dirais que on devrait être tous solidaires. On devrait tous être la solidarité, égalité, fraternité. Et on doit se serrer les mains, se serrer les coudes. C'est tout ça, simplement. Mais vraiment se serrer les mains, se serrer les coudes. C'est humain, en fait, et c'est l'entraide. Et que voilà, c'est se serrer les mains, c'est être humain, tout simplement. Voilà, c'est ce qui nous fait garder cette humanité qu'on a tous en nous, et c'est le principal. Oui, Jacques, que pensez de l'humanité? Comment on pourrait faire que le monde aille mieux en se serrant les coudes? Est-ce qu'on peut inventer une nouvelle humanité qui soit moins en guerre, plus en paix? Bah, bien sûr, ça peut se faire, tout peut se faire dans le monde. Après, il suffit juste de la bonne volonté, il suffit juste de participer et de faire le bon choix. De faire le bon choix. Et donc, voilà quoi. Ouais, donc, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire tout va bien. Tout va bien. Oui, merci, Jad. Est-ce que tu vas parler de choses en particulier? Bah, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Hein, Jad, tu es le bienvenu à tous les mercredis là. Vous, vous voulez parler un peu? Oui, je vais parler un peu. Je m'excuse parce que je suis venu un peu de retard. Je suis venu un peu de retard. Je vous demande de pardon. Là, pas grave, c'est pas grave. Tout le monde participe. Je suis là. Je mange des pommes, tout ça. Oui, tout est joli. Je vais chanter. Allez, vous pouvez danser. Chanter. Allez-y, chantez, dansez. Vous avez 5 minutes pour vous. Je vais chanter. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Je ne sais pas. Il faut mettre les souris. Moi, c'est spécial. Si je regarde les autres, ils travaillent aussi. Il y avait M. Sera aussi, il était là, il est parti. Moi, je ne sais pas quoi dire. Oui. C'est bien, vous pouvez chanter en mangeant des pommes, hein, ça se fait. Hein. On mange la pomme et on chante la chanson de la pomme. Est-ce qu'on peut chanter ça? Vas-y, Jérémy, tu peux improviser une chanson sur la pomme? Pomme d'api, d'api dur, là, je ne sais plus trop quoi. Pomme d'api, qui connaît pomme d'api? C'était quand on était petit, moi j'ai oublié. Pomme d'api, d'api rouge. Vous avez la chanson de Dave, là? La chanson de Dave. Pomme d'api. Mais personne ne connaît pomme d'api, je suis d'une autre génération, c'est comment? Si, je connais, mais je ne connais pas bien. Okay, attends, vas-y, Jason, plein micro. Micro. Je suis dedans. Attends. Micro. J'avais pas fini. Ah, tu n'as pas fini, mais après, on va continuer. On revient. Ouais, on a un programme, Jason, on a un programme. C'est Jason qui a fait le programme, d'ailleurs. En plus, c'est Jason qui a fait le programme. Ok, on va revenir donc sur Jason. On va finir ce programme, quand même. Oui, parce c'est qu'il qui le prochain, chanter. Alors vas-y, c'est Jason qui veut chanter. Ok, un petit interlude de Jason. Petite interlude de Jason. Yes. Okay. des sons. Donc qui sont ici présents, qui se présentent. Quatre personnes sont demandées. Oui. Johan, Sandra, Frédéric et le quatrième. Il y a Farouk aussi qui vient d'arriver. Farouk en plus qui vient d'arriver. Donc cinq personnes sont demandées, sans compter que aussi pareil, je vous prépare une surprise. Donc encore cinq. Farouk, c'est comment? Farouk, ouais. Attends, micro à Farouk. Bonjour à tous, bonjour Radio Métanoïa, les auditeurs, bonne soirée et profitez de l'émission, du peu de temps qui reste. Tu vas nous chanter un truc aujourd'hui? Possible, peut-être. Peut-être, ouais. j'ai pas réfléchi, voilà, c'est ça. Ouais. Merci. Ok, Jason, tu notes sur les... Farouk, tu as quand même, je dirais peut-être 20-15 minutes, ça va aller très très vite. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a... Vas-y, mais non, on a en revenant, en arrivant... Donc on vient sur Johan, Johan, je le connais. Johan, je peux le présenter, Johan, je le connais. Vas-y, Johan. Johan, c'est un gars... Effectivement. Vas-y. Johan, c'est un gars sûr, bien sûr, je le connais, Johan. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas Johan qui est là, c'est le rappeur, en fait, c'est le chanteur de R&B. C'est un petit chanteur, ouais. Ouais, c'est faut savoir que, de mes souvenirs, Johan, il s'entraînait sur Smul. C'est ça, c'est l'application ça. L'application Smule. Et c'était une sorte d'application karaoké. Mais karaoké, avec, voilà. Et c'est quoi aujourd'hui ton nom de scène, Johan? Alors moi, c'est Douyoyo. Il faut savoir que c'est Douyoyo 237, mon nom de scène. Moi, c'est comme ça qu'on m'appelle. Voilà, je suis camerounais, je suis fier de... Je suis fier de mes origines. On a battu le Brésil, 1-0. On a battu le Brésil, ouais, mais bon, on n'est pas qualifié, on n'a pas fait beaucoup de choses. Mais en tout cas, je suis très fier de revenir dans Radio Métanoïa, chanter une petite chanson et parler un peu de la vie, un le peu petit et tout. Pour un carton rouge. Voilà. Et... On va enlever son maillot. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, je vais interpréter une petite chanson de Wiz Khalifa. Black and Yellow, oui, c'est nouveau, je sais pas si je peux mettre. Voilà, Black and Yellow. Black and Yellow, ouais. Un petit instru comme ça. Ok, Johan, donc va pour Black and Yellow, on va voir ce que ça a donné alors. Black and Yellow, si tu peux mettre ça sur YouTube. Au fait, pour tous nos métanoïaques, d'où vient ce pseudonyme, ce pseudo-là, ce blaze? Ouais, Black and Yellow. Ce blaze que tu portes, il vient d'où alors? Alors moi, il faut savoir que dans ma vie, j'ai été un enfant qui était assez timide avant. J'arrivais pas à m'ouvrir dans la vie et tout. Et maintenant, à changer, maintenant, j'ai grâce à moi-même, grâce à un travail spirituel un peu et de moi-même, j'ai arrivé à dépasser le meilleur de moi-même, tu vois. Et grâce au théâtre et des activités ici, bah, je suis devenu un spécimen de la... Voilà. Et le duo, c'est ça. C'est laquelle ? C'est... Attends, tiens. Jason, et aussi, tu avais aidé à compléter la feuille après parce que tu as mis tous les... Tu as dit tous les gens qui étaient aujourd'hui. Pendant que Johan cherche, sélectionne son morceau de musique qu'il nous va improviser, parce qu'il faut voir le film. Est-ce que quelqu'un peut parler de film? Pedro, tu peux parler un peu du film que c'était fait ici à l'hôpital? Prends un micro. Quel film? Le film qu'on a, où Johan joue. Que j'ai fait, ouais. Prends le micro, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut prêter un micro à Pedro? Voilà. Donc, Funambule. C'est de Funambule que vous voulez qu'on parle. Donc, oui. Un des acteurs principaux ici parmi nous. Donc, c'est un film qui est né d'une amitié multiple. Entre un psychiatre et un cinéaste tout d'abord, entre un cinéaste et un service de psychiatrie ensuite, et entre un cinéaste et une équipe de réalisation avec des personnes qui sont des usagers de ce même service. Et la rencontre a pris parce que tout le monde a joué le jeu et il y avait quelque chose de l'ordre de la spontanéité, du naturel, de l'amitié, de l'envie de communiquer. Et je pense qu'on a participer à la réalisation d'un film extrêmement sensible, extrêmement beau, extrêmement vrai, extrêmement effectivement, touchant. Effectivement. Et qui a ravi le public. Moi, j'étais à deux avant-premières. Nous avons été à un énorme, exceptionnel débat au cinéma André Malraux à Bondy en présence de 150 personnes, des usagers, des familles, des associations, des personnes de la maison Marianne de Bondy, la maison pour tous. Et tout a été extrêmement bien compris et je crois que c'est une manière très active, très simple et très artistique de dire nous sommes tous pareils dans la ville, on est tous pareils, tous différents. Ouais. Hein, donc pareil en droit et différent en manière d'être. Et tout le monde a sa place ici. Il faut savoir, dans ce film-là, franchement, quand je l'ai fait ce film, j'étais pas super bien dans ma tête et tout, mais j'ai joué le jeu. C'était ça le message un peu qui endure. Et j'étais pas super bien dans ma tête et pourtant j'ai fait ce film, tu vois. Donc je me dis voilà, aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, tu vois. C'est une question, voilà, c'est une question de volonté de faire un petit film et tout comme ça. Et Funambule, c'était ça le message un peu. Voilà. Dylan Killer, je sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, il s'appelle Ilan, un truc comme ça. On va essayer de. Oui, ça serait bien de faire une nouvelle projection pour les gens qui l'ont pas vu. Hein. Il y a des gens ici qui n'ont pas vu ce film et c'est vrai qu'on découvre Johan dans toute son splendeur. Je ne t'ai pas reconnu au début quand j'ai vu le film. J'ai dit, voilà, c'est un acteur, il est sorti d'où cet acteur incroyable. C'est vrai. Hein. Et ouais, parce que Johan faisait du théâtre aussi avec Yves Adler. Il est à l'école de Yves Adler. Un salut à Yves Adler. C'est la meilleure école. Yves Adler Théâtre, c'est la meilleure école, non? Exactement. Donc voilà. Donc Jason. Si tu veux passer à ma musique. Sélecteur Jason, aujourd'hui, il fait les programmes, le DJ, les entretiens, co-responsable au Qatar. Bravo, Jason. Il a multicasquette. Vas-y, on continue, on écoute. Vas-y. Ok. Moi, c'est Douyoyo. Ok. Ta profondeur m'a appris qu'il faut être déterminé si tu veux être un vrai man. Aujourd'hui je suis poli, j'ai envie d'être posé dans mon 93, mon gars. Ta joie sur cette terre m'a rendu orphelin à me dire que je suis un vrai man. C'est Douyoyo, le mec de Carinor. Te rapport, connaissance de cause. Ce qui m'a touché, c'est mon Afrique qui m'a dit que je vais rêver dans le. Moi c'est du yo-yo, un vrai mec de la TC qui te rappe. Un vrai freestyle, il a ça dans le cœur depuis bien longtemps, moi c'est Johan, un vrai man qui parle en connaissance de cause de Bondy. Ça commençait Bondy en psychiatrie, j'ai été dans la psychiatrie. Autant te dire que c'était une expérience dans ma vie. J'ai devenu un j'ai pas été un vrai man. Mais t'inquiète pas, on est devenu des vrais boys, des vrais man boys. On a ça dans le cœur, quand on parle, Douyoyo. Douyoyo, 1237, qui parle en connaissance de cause. Camerounais, je suis un vrai man qui parle encore des choses de même. T'inquiète pas, on a ça dans le système solaire. Quand on fait du rap, on rigole pas. C'est notre terre, c'est notre terre. Le terre, il est 93, mon négro. On a ça dans le cœur. Depuis bien longtemps on fait du rap. On a ça. On a ça. On est dans le système. Tu peux pas tester. Et ok. Je vois ton regard en voûtant me transpercer. Mes mains tellement elles sont chaudes à ton longueur de toi. Mon aime c'est de yo-yo, le doux parfum divine. Te parle en cause de ton étoile et cette belle créature d'Afrique, Asie, ce continent qui est magnifique. Plus je suis avec toi, plus je manque d'oxygène avec toi, mon gars. À force de me dire que je suis une copie divine, je m'oppresse de te dire que je suis un homme dévoué et à te dire que tu es une vraie girl dans les sentiments, ma girl. On est là, on est dans la radio Metanoia, on te rend Metanoia, Metanoia R, on est ça R, on est là, on est posé R. Yeah. C'était une petite presta de ouais, yo-yo. Ouais. Maintenant vous savez, c'était yo-yo, c'était yo-yo, maintenant c'est ça va sur toujours dans la musique avec l'homme qu'on appelle Monsieur Farouk. Ouais, Farouk, elle est là. Prends le micro, tu es à côté d'un micro là, Farouk. Ouais, merci Johan, t'es au micro là, c'est à côté. Merci beaucoup Farouk, hein. Bravo. Merci Yo-Yo, merci Johan. Oui, il y a du talent chez Metanoia, chez Metanoia, et il y a d'énormes talents. Et ce n'est que la partie qui déguise l'iceberg en fait. C'est ça. C'est ça. Okay, donc, toujours sur Metanoia, oui, on a perdu des Metanoiaques après. Ça vient, les Metanoiaques. Sandra, combien de temps, Sandra, Sandra, elle va parler. Super, sur la paix, c'est ça. Vas-y, Sandra, super, c'est la chronique de la paix. Et après, c'est Farouk. Après, c'est toi. Vas-y, Sandra. Bonsoir. Combien de temps on a 20 minutes. 20 minutes ouais. Oh, ça va, on est dans les temps, c'est bon. Bonsoir à tous. Je parle de la paix parce que c'est la meilleure des choses qui existent au monde. La paix est une voie qu'on prend. Il y a plusieurs directions, mais on y arrive toujours au même but. C'est-à-dire rassembler tout le monde et faire en sorte que tout le monde se sert à l'écoute. Mmh. Et la paix est quelque chose de bien. On peut parler de la paix, on peut dire qu'il ne faut pas en vouloir à son voisin. Il ne faut pas en vouloir aux choses de la vie qui sont passées, parce que le passé ne retourne rien. Mais l'avenir prochain, le futur, est meilleur. Même malgré les souffrances, il faut penser à la paix. Quoi qu'il arrive, et ne pas perdre espoir. La paix dans les mondes. Et la paix dans le monde aussi. Oui, et comment on pourrait contribuer à qu'il y a plus de paix dans le monde, Sandra. En faisant attention à chacun de son prochain, en aidant son prochain. Son prochain, ça peut être vous, moi, ou quelqu'un qui marche oui. dans la rue et qui tombe et qui, au lieu de le regarder par terre, le ramasser et l'aider à tenir debout et l'accompagner. C'est une sorte de paix. Oui, d'accompagner l'autre quand on en a besoin. Quand on en a besoin, oui. Ouais. Et est-ce que votre collègue à côté, comment, j'ai oublié votre prénom. Fatoumata. Fatouma, tu voulais chanter quelque chose? Tu voulais chanter? Je voulais chanter, je ne peux pas. Si, tu peux chanter, tu veux qu'on mette un peu de musique. DJ Selector, Jason, tu peux le mettre en musique pour Fatoumata qui va nous chanter quelque chose. Mais oui, j'adore votre voix, Fatoumata. Ah. L'autre fois, vous avez dansé, chanté. Oui. On peut danser et chanter en même temps. Quelle musique? Et manger de pommes. Oui. C'est un peu ça, la liberté aussi. Quelle musique vous voulez qu'on... Une musique, moi, je... N'importe quelle, Jason, vas-y. Ouais. Selector, Jason Selector. Et puis après, il y a Farouk, il y a Jérémy qui va causer, il y a Julien qui va faire le bruit. Tu veux dire quelque chose pour l'instant, Julien? Moi, ce que j'aime bien, c'est le tabac, et le pain. J'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien aussi les manger gras, manger gras, manger ça, tout. Et j'aime bien les aventures un peu console vidéo et tout. Très bien, quand on donne un petit peu, moi j'aime bien, je veux dire. Et j'aime bien le sport aussi. Merci Julien, on t'a entendu très bien, tu aimes bien. Et, bon, et alors, maintenant, Fatoumata, vas-y. Tu peux chanter et danser et en même temps. D'accord. Vas-y, Jason, tu peux y aller. Quelle musique? C'est calde comme un bacio que perdu. C'est bien di un amore che è passato. Che il cuore mio vorrebbe cancellare. Oh, che l'estate. C'est toujours bon. sole che ogni giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti. Je veux parler avec lui. Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno. Cadranno mille petali di rose. La neve coprirà a tutte le cose. E forse un po' di luce mi tornerà. Se trovo l'estate ci ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che crea il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Gli altri sì. Se le trovo, le fini, no? Penso a mia parte, no, no. Capranno mille petali di rose. Je vous chante, chantez ce trop bon. La la la. Je suis espagnol. Moi j'aime bien parler comme ça, non? En chantant. Ah, quelle musique j'aime. Oui, bravo, Fatoumata, très bien. C'est excellent. Ouais, voilà, avec notre DJ sélecteur Jason aujourd'hui qui fait qu'il vient d'arriver de Qatar pour mettre de la musique, il a créé des programmes. C'est super. Bon, alors, Jérémy, est-ce que tu voulais nous... Aujourd'hui, il est... Ouais, aujourd'hui, il est multifonction. Hein, il est polyvalent. Ouais. Polyvalent, il est à fond, il est d'été. Ah ouais, il est dedans. Il est vraiment dedans. Et ouais. Je pense qu'en continuant, ça va... Ça va sauver la planète, comme ça. Voilà, ouais. Mais même pour lui, c'est bénéfique. Hein. Le Jason que j'ai connu, qui était beaucoup plus petit, n'était pas comme ça. Ouais. T'es timide, il... Voilà. Il parlait pas. Et maintenant, il est à fond. Il y a changement. Et ça, c'est le processus métanoïaque, vous voyez. Processus métanoïa. À fond, métanoïaque total. Métanoïa technique. Vas-y, technique, Jérémy, ça, puisque tu es avec les micros, est-ce que tu veux nous montrer quelque chose? Je vais poser, ouais, il me faut une instru. Vas-y, la femme veut faire un acapelle. Donc, je vais dire, je sais ce que je veux. Tu vas taper instru. Instru. Vas-y. Quoi? Instru. On est sur Pinot. Instru. Ouais, t'écris Instru. ISK. On est instru. Instru. Il est 17h46 du 7 décembre 2020. Tu arrives? Instru. Ouais, instru. Ensuite, tu vas écrire Boomba. Ah. Ça s'écrit B. B. O. O. Encore un O. Tu viens de... O. M. M. B. B. A. A. M. Vous restez. B. O. O. M B A B O O B O O M B A M Boomba. Ouais, Boomba, pas Boomba. Attends, j'arrive. Vas-y, Julien qui parle avec une voix tellement douce que j'aime beaucoup. Qui fait toute la partie un peu douce et sous-jacent de cette émission métanoïaque. Et là, on attend Johan qui cherche une chanson pour pouvoir improviser en direct. Et puis Johan qui fait toute la voix comme ça. Est-ce que Farouk, il écrit un poème? Farouk, tu veux nous lire ton poème? Parce que je vois que tu... C'est quoi alors? C'est les courses? Les factures? Bon. Mais tu peux transformer une facture en poème, comme il fait Mohamed, tu sais, Mohamed le prophète. Il nous manque d'ailleurs, Mohamed le prophète, je ne sais pas où il est. Hein. Fofana, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Oui. Oh, je suis contente parce que mon tonton va venir après demain, tout le temps. Ça fait longtemps que... Et là. On est de retour. Oui, il va venir pour moi parce que ça fait longtemps. Il décide tout le temps pour venir, il ne vient pas. Tout ça, c'est une autre chose. Moi, je vais parler comme ça. Et c'est fini, c'est ça. Mon tonton, il n'est pas bien, c'est ça. Moi, je parle comme ça. C'est excellent, merci Fatoumata. C'est excellent ce que tu parles comme ça. C'est, j'aime bien beaucoup. Alors, Jérémy, on est à toi. Attends. Micro One, tiens. Micro One. Tu viens là-bas ? Alors, Jason. Oui. Radio Métanoïac sur Pinot. Je vais être honnête avec tous ceux qui écoutent. En partie, la radio Métanoïa, pour moi, c'est une occasion de m'entraîner en vrai. Sinon, je fais des scènes et je sais où m'exposer. T'inquiète, Jason, ça arrive. Et voilà, c'est, je m'entraîne. Voilà. Et on voit c'est comment. Il faut que l'instru elle augmente un peu. Ma voix, je la ressens, mais il faut que l'instru augmente. Non. Sinon, je ne serai pas dedans. Super, là, c'est parfait. J'y vais non-stop, au top, hop, comme dans les starting blocks. J'emmerde les cops, oh, j'emmerde les cops, oh, j'emmerde les cops, oh. Méline veut me faire un gosse, son argument c'est le gloss. Survête la cosse, pas besoin d'un glock. Sur mon chemin, y a pas de stop. Vie selon, vie change selon les époques. Alors je viserai la cagnotte. Vie change selon les époques. Vie change selon les époques. Alors je vais. Ok. Vie change selon les époques. Selon les époques. Vie change selon les époques. Vie change selon les époques. Alors je viserai jackpot. La plus haute cagnotte. Bien méritée avec mes potes. Alors je viserai le jackpot. La plus haute cagnotte. Bien méritée avec mes potes. Ok. La méthode. Ok. Ok. Okay. La méthode. Les vieilles comme Hérode, je suis de ceux qui disent j'aime les codes. La méthode, les vieilles comme Hérode, je suis de ceux qui disent j'aime les codes. Vie change selon les époques. Alors je viserai le jackpot. La plus haute cagnotte, bien méritée avec mes potes. Ok. C'est du boom bap, c'est pour ça que j'ai un peu du mal, j'avoue. On essaie un autre truc. 6ème République. 6ème République, 6ème République, 6ème République, la voix du peuple s'unit, 6ème République, la voix du peuple s'unit, 6ème République, la voix du peuple s'unit, gilet jaune devient rouge, l'État devient vert, du mieux pour tous, ou bien c'est la colère, attends je reprends, gilet jaune devient rouge, l'État devient vert, du bien pour tous, ou bien c'est la colère. Ou bien c'est la colère. Okay. La guerre, où est la justice pour l'affaire. La guerre, où est la justice pour l'affaire. La terre. Le jaune devient rouge, l'État devient vert, c'est la colère. Tout est bien, non? Eh, bravo Jérémy. Bravo. Hein. Ouais. Cool, cool, cool, cool, super. Et ça, ça, tu l'as composé ces jours-ci. C'est nouveau, ça. Ouais, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu composes, comment tu écris les chansons? Processus de création. Oui. Ben, soit en fait dans ma tête j'ai des mélodies. Oui. Donc après je mets ces mélodies sous forme écrite. Sinon c'est ce qui se passe dans le monde en fait qui inspire. Oui. Je sais pas, la vie que je vis, la vie que j'observe, la vie qui nous entoure. Oui. En gros, mon processus de création en fait c'est vraiment l'univers. C'est l'univers, tout ce qui se passe dans l'univers. Hein. Dans mon rap, je sais que niveau écriture, j'ai du mal avec ce qu'on appelle l'ego trip. Je peux pas triper sur moi. Je peux dire des trucs déconnés, l'humour, tout ça, mais j'avoue que j'ai du mal avec l'ego trip du style c'est moi le meilleur, je fais plus de sous que toi. Peut-être aussi que je suis en âge plus mûr pour faire ça. Non, mais tu as raison, ça c'est aucun intérêt. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est comme des antennes, qu'on perçoit des choses universelles. Et des fois, les voix qu'on entend dans notre tête ou des mélodies, c'est des syntonies radiales. Des choses qui sont invisibles et qu'on transmet aux schizophrénie. C'est là, papa. C'est ça. Alors, Farouk. Non, moi, je ne voulais pas dire ça. Vas-y, moi, je vais chanter. Allez, oh, allez. Oh, oh, yeah. Fatoumata, à toi. Merci, Jérémy. Je vais bien. Et là, moi, je parle beaucoup, c'est ça. Je vais chanter. C'est ça. La prochaine fois, je vais écrire pour chanter. Ça, j'aime bien chanter. C'est fini. Oui. Régis, est-ce que tu veux dire quelque chose? Prends le micro. Régis Hérault. Oui, je voulais vous dire que si vous voulez faire vos courses de Noël, il y a des endroits qui sont sympas. C'est la Troquette. Ressourcerie au Père Lachaise, métro Père Lachaise, au 125 rue du Chemin Vert. Vous pouvez avoir 5 livres pour le prix que vous voulez. Vous pouvez donner 50 centimes. À partir du 6e, c'est 1 euro le livre. Et vous en prenez 5, c'est 50 centimes si vous voulez, ou 1 euro, 5 euros, comme vous voulez. Pour les disques vinyles, c'est pareil. Ils en ont plein, plein, plein. Si vous voulez des livres gratuits, ils en mettent plein régulièrement aussi. Vous pouvez acheter des lampes, du matériel, par exemple des tasses pour vous installer dans votre maison. C'est 50 centimes, voilà. C'est très sympa, c'est un peu ambiance, comme la radio Métanoïa, ils écoutent beaucoup de musique des années 80, là, c'est une bonne ambiance, les gens sont chaleureux à la caisse, là, il y a un Chilien, là. Quand on arrive, on se sent enveloppé par des gens gentils, qui sont à l'écoute. Bon, ceci dit, ils ont été quand même un peu agressés par des gens, donc même les endroits hyper cool. Et maintenant, ils ont mis quelqu'un depuis la semaine dernière qui surveille un peu. C'est dommage. Mais voilà, vous pouvez trouver des BD aussi à 2,50 € de Jodorowsky, là, justement. Vous pouvez trouver des collectors aussi, des trucs plus chers. Et des beaux cadeaux de Noël. Pas chers, sympas, originaux. Et du coup, c'est de la recyclerie. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher chez les gens du 11e arrondissement, proximité aussi 20e. Donc, quand les gens déménagent, meurent, des successions, et on leur donne gratuitement. Donc, eux, au lieu de le stocker, le but, c'est que ça circule, comme à la radio Métanoïa, là, les livres. Ah ben, les livres qui sont là, souvent, je les ramène de la Troquette. On m'en donne des caisses, j'en achète quelques-uns aussi. Ou de la Ose Centrale de l'Alchiste aussi. Ils sont pas d'étiquette. Alors, vous pouvez manger à côté. Vous pouvez adhérer à l'association aussi. Vous pouvez boire un coup tranquille, manger un truc tranquille aussi. Il y a des spectacles aussi. Alors, je vous rappelle l'adresse, la Troquette, la Roquette, Ressourcerie, Père Lachaise, 125 rue du Chemin Vert. Alors, il n'y a pas que le chemin qui est vert, même celle qui est à la caisse, elle a les cheveux verts. Et ils sont très sympas, voilà. Bon, merci Régis pour ta colonne. Il y a des meubles aussi, il y a tout ce que vous voulez. C'est super, Régis. Et ils sont cool. Chaque émission de radio, il nous amène de lieux ressources. Ah bon, comme lieu ressource, il y avait là aussi où exposait Hamid. Vous savez, c'est un gars il a exposé à l'arrière du taxi. C'était quelqu'un qui a fait pendant 30 ans des photos des gens qui étaient dans son taxi à l'arrière. J'en avais parlé. Là, il a exposé jusqu'au début décembre, là, dans un petit bar très sympa, 6 rue Victor Latal, Paris 20e. C'est à Ménilmontant, métro Ménilmontant. Tu y es allé, toi, Martin ? Non. C'est vraiment sympa. Quand on va là, ben, c'est pas un bar où on est des clients qui doivent consommer. Il y a du spectacle aussi. Et donc, ceux qui veulent faire aussi des expos peuvent proposer des expositions sur un mur. La dame, elle a l'air très sympa. Et voilà. Et donc, Hamid cherche de nouveau un autre lieu pour exposer dans Paris. Je lui ai proposé d'exposer là, dans le couloir du CAC et tout. Bon. C'est sûr que c'est pas un lieu où on peut vendre des photos, mais là, il a quand même, dans son lieu, là, il a quand même vendu 4 photos. 2 photos à 50 euros et 2 photos à 200 euros. Donc ça fait quand même. Oh, mais. Ouais, ouais. Voilà. On gagne mieux que l'heure de travail à l'hôpital. Voilà. Merci beaucoup, Régis. Ouais. Est-ce que. Qui veut parler avant qu'il. Toi-même, tu peux exposer, Martin. Non ? Est-ce que vous voulez parler ? Qui veut parler ? Fofana ? Julien ? Allez. Il est là ? Oui, moi, je ne comprends pas pourquoi on ne libère pas les enfants de la psychiatrie. Pourquoi il y a moi je comprends pas, franchement, c'est gros n'importe quoi. Et pour les gens concernés, ça concerne ceux qui sont plein. Devant moi, là, c'est la parano, c'est une bicane. Et ça, ils sont ensemble, mais nous, on s'en fiche. Waouh, Julien, quelle profondité, quelle profondeur. Oh, voilà. Quand je me fais un instant de ma trottage, je sais pas un tout, ma trottage, à peine ça, tout le monde doit bien. De 2003, 2002, 2003, et j'attends d'être justifié, c'est tout, monsieur. Merci Julien. On a une minute de Radio Métanoïa, c'est une super voix, Radio, j'adore. Ouais, Radio Métanoïa. Radio Métanoïa, il y a tout. Yo. Novembre, on est en novembre. Oui, on a 30 secondes pour finir. Ouais, la date, allez, on la finit en force, Fofana, prends le micro. Yo. Paix, la paix dans le monde, Sandra. Yo. Passe le message à Sandra. Yo. Sandra, un message de paix dans le monde. Un message de paix. Oui. Que tout le monde soit en paix. Il faut qu'il n'ait pas, c'est pas non, peur. C'est et vraiment, qu'ils n'aient pas peur de la vie. Ils affrontent la vie et avec moins de peur dans le cœur. Moi, je crois bien, non. Et tout va bien se passer. Je crois bien qu'il y ait une histoire de paix dans le cœur. Je novembre 2022. À la maison. Métanoïa à la maison, 7 novembre 2022. J'étais en bas, j'avais la télévision. Il y avait les gens qui chantent comme ça. Tout était bien. On était un pire. Un pire.